Chapitre 36e. La date, d'abord fixée par John Barnard pour son départ, était passée depuis longtemps. Nous ne la retrouvons pas moins au service de la famille Jebb, poursuivant toujours le même but, sans avoir encore réussi à l'atteindre. Le docteur parlait aussi librement devant ses servantes que si elles eussent été sourdes et muettes. Mais, de sa conversation abracadabrante, il ne sortait jamais ni un fait positif ni un renseignement sérieux. Ayant perdu tout espoir d'exécuter son plan, et se sentant prise de la nostalgie de la famille, elle s'était décidée irrévocablement à quitter l'Angleterre vers la fin de mai. Il était tout naturel qu'elle sollicitât de ses maîtres la permission d'aller voir son vieux père, avant de faire voile vers New York. Si, dans l'avenir, le crime de Humphrey Vargas marquait le front de ses enfants du brandon de la honte, il leur faudrait bien supporter à leur tour cette ignominie. Dès que Jeanne Barnard eut fait part à Madame Jebb de la résolution qu'elle avait prise de s'éloigner de l'Angleterre, M. Jebb n'entendit plus que Jérémiade sempiternelle sur le prochain départ de Jeanne et sur les difficultés de la remplacer. C'était une véritable bague au doigt, une perle sans pareille. Enfin, il fallait aviser. Loin de plaindre sa femme, Jebb répondait à ses doléances que les servantes étaient toutes des anges comparées aux serviteurs mâles. « Voyez, par exemple, ajouta-t-il, le garçon qui fait mon service en ce moment. Il est ivre la moitié du temps. Il est évident pourtant qu'il a dû servir dans de bonnes maisons. Quant à savoir lesquelles, c'est impossible. » Le docteur Jebb, se trouvant un jour sans cocher, avait remarqué à l'auberge des Trois Pains de Sucre la dextérité avec laquelle un des palefreniers pansait son cheval. Cet homme était là, évidemment, en attendant mieux, en sorte que le docteur le gagea sur le champ sans prendre plus de renseignements. À quoi bon lui servit d'attendre puisque le sudiste individu n'avait pas servi dans le pays. Puis le docteur ne savait-il pas déjà, par une longue expérience, que les références sont loin d'être une garantie infaillible? De tout cela, il était résulté qu'il avait pris cet homme au jugé. Au demeurant, il n'avait pas trop lieu de le regretter. Tinkley tenait l'écurie et la sellerie en perfection. Jamais les chevaux n'avaient été mieux soignés et les harnais aussi brillants. L'ouvrage achevé, il passait presque tout son temps dans un capharnaüm près de l'écurie, au milieu de bottes, de brosses, de bouteilles vides, de vieux cuirs et de boîtes à cirage. C'était là qu'il occupait ses soirées à lire le journal, tout en absorbant quelque chose de plus. N'étant pas de ceux qui ont le vin gai, il préférait se livrer à ses libations dans le silence du cabinet, plutôt que dans le brouhaha des Trois Pains de Sucre, où il ne faisait que de rares apparitions. Peu de jours avant le départ de Jeanne Barnard, M. Jebb fit une découverte qui ne lui permit pas de douter de l'improbité du serviteur, que jusque-là il avait cru fidèle. Quoique la cave du docteur ne fût remarquable ni par la qualité ni par la quantité des bains, il n'en confiait jamais la clé à personne. À l'entrée était le vin ordinaire et la bière pour son usage particulier. Plus loin, une douzaine de bouteilles de Porto en cas de maladie, puis trois ou quatre douzaines de bouteilles de Xérès destinées aux amis. Enfin, dans une étroite cachette ménagée sous la brique et masquée par les bouteilles vides, une douzaine de bouteilles de whisky d'Écosse, dont précieux d'un ami auquel M. Jebb s'était juré de ne pas toucher avant 2 ans. Or, un jour où il avait plu à torrent depuis le matin jusqu'au soir, le docteur rentra chez lui littéralement hydraté. Un feu à rôtir à bœuf, comme on dit familièrement, ne parvenait pas à réchauffer le malheureux fils d'Esculape, tout frissonnant dans un grand fauteuil. « Je suis glacé, trempé jusqu'aux os, » disait-il à sa femme. « Un verre de grog préparé avec notre fameux whisky pourrait seul, je crois, avoir raison de mon malaise. »« En ce cas, il n'y a pas à hésiter, » posta Madame Jebb. « Allez vite en chercher, mon ami, pendant que je vais me dépêcher de faire bouillir l'eau. » « Mais vous savez, » reprit-il en caressant ses favoris d'un air songeur, « qu'il était convenu que je n'y toucherais pas avant 2 ans. Quel enfantillage! Quand on sait que rien n'est plus efficace pour combattre les symptômes précurseurs d'une fluxion de poitrine, hésiter serait une folie. » Le docteur ne demandait qu'à se laisser faire une douce violence. Il chercha la clé et partit pour la cave, après s'être jeté un plaid plié en 4 sur le dos. Il tenait à la main une petite lanterne portative dont il avait fait l'acquisition en vue de ses expéditions souterraines. Arrivé devant la barricade de bouteilles, il se mit à en déranger 1, puis 2, puis 3, et plongea enfin une main confiante dans la cachette en frôlant l'étoile d'araignée, mais ô stupeur, ô saisissement, ô douleur, au lieu de 12 bouteilles de whisky, il n'en restait que 7. Il était atterré. Un instant, il se demanda si Madame Jebb n'avait pas une seconde clé. Puis, rougissant aussitôt d'une pareille pensée, ses soupçons se portèrent sur la servante américaine. « Combien de fois, se disait-il, n'arriva-t-il pas que ceux qui nous inspirent le plus de confiance se trouvent en réalité en être les moins dignes ?»